Et Radio Libertaire 89.4 FM sur Paris et dans toute l'Île-de-France. Bienvenue à tous. C'est l'émission Actualité antifasciste, le quatrième épisode sur Radio Libertaire. Alors, qu'est-ce que Actualité antifasciste? On vous le rappelle, on est une émission de traitement d'actualité en fait. On est là depuis janvier dernier. On était là au mois de juin. Si vous suivez un petit peu les podcasts sur le site, non pas sur le site de Radio Libertaire, mais sur le site de Secours, du coup. Vous nous avez certainement entendu, mais du fait du confinement, vous ne nous avez certainement pas trouvé à l'antenne depuis le mois de février. Bon, ceci étant, aujourd'hui on est là, on va parler de l'Action française, on va expliquer pourquoi dans un petit instant. Avant toute chose, je vais quand même présenter mes invités parce qu'il s'avère que vous connaissez un petit peu la maison. Vous êtes déjà venu pour deux d'entre vous ici justement en février. Hein, on avait parlé de la cocarde étudiante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va parler d'une organisation qui a un lien en fait avec la cocarde, hein, pas uniquement bien sûr. Alors, on va vous présenter dans un petit instant. Je vais surtout allumer vos micros. Bonjour. On vous entend. On t'entend, Mao, Misère. Bonjour. Ouais, c'est bon. Toi, Lise, au fond. Bonjour. C'est bon. Donc, sujet du jour, l'Action française, organisation que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être. L'Action française, en deux mots, hein, c'est une organisation nationaliste et royaliste. Et pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que, du 16 au 23 août, cette organisation a mis sur pied une université d'été, alors annuelle, c'est le camp Maxime Réal del Sarthe, au château d'Ailly, c'est-à-dire à Parigny, non loin de Roanne. L'université d'été en question, elle est réservée, d'après les initiateurs de cet événement, aux lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, c'est-à-dire les 15-35 ans, avec au programme des conférences, des cercles d'études, des ateliers. Et alors parmi ces événements, on a eu par exemple, d'après ce que moi j'ai pu voir sur leur site internet en fait, des interventions de Henri Beck, Bernard Lugan, François Marcillac, avec comme sujet phare la justice, enfin la magistrature quoi, l'Afrique et bien sûr le nationalisme intégral qui, on va le voir au cours de cette émission, la colonne vertébrale intellectuelle de l'Action française. Et alors, ce rendez-vous, donc cette université d'été, nous a préoccupés pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il est l'œuvre d'une organisation qui prétend remettre sur le trône royal français le dénommé prince Jean, comte de Paris et duc d'Orléans. Et alors, si ce prince il est opposé à la République, c'est pas parce qu'il est anarchiste, c'est pas parce qu'il est passé de notre côté, bien au contraire. C'est parce que tout simplement, il veut reprendre le pouvoir, sachant que le dernier roi des Français que notre pays a connu, c'est Louis-Philippe Ier. Même Louis-Philippe II, qui est supposé avoir régné quelques minutes entre la poire et le fromage. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça, c'est le dernier roi officiel des Français. Même si, on le verra en toute fin d'émission, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a une partie des royalistes qui ne reconnaissent pas ce roi comme ayant été légitime. Peu importe. Aujourd'hui, on en est à parler de l'Action française qui veut remettre sur le trône le prince Jean, duc d'Orléans, comte de Paris. Et nous, notre but, en parlant de cette organisation et en luttant contre, en fait, c'est d'éviter que, notamment, tous les opposantes, les opposants à Macron, à l'État, etc., aillent vers cette Action française qui a des raisons de s'opposer à l'État républicain, mais évidemment pas les mêmes que pour nous, quoi. J'aimerais simplement, alors vous deux, Misère, excusez, vous êtes sur Tolbiac, c'est bien ça? La dernière fois, le deal, c'était ça, c'était que vous étiez sur Tolbiac, ok? C'est bien ça. Disons, nous sommes, membres et fondateurs d'un groupe autonome qui a toujours sa principale activité autour du centre Pierre Mendès France de l'Université Parisienne, du coup, mm-hmm. de Tolbiac. Oui. Et de par les événements que vous connaissez et qui ont un peu paralysé le pays, nous ne sommes pas retournés depuis un certain temps. Oui. Mais il est vrai que une bonne partie de notre activité se déroule à Tolbiac, au sein notamment de la bibliothèque autogérée de Tolbiac. Ah oui, la BAT. La fameuse BAT. Nous avons aussi une activité qui dépasse bien évidemment le côté universitaire et avons un bon pied dans le mouvement autonome au sein de ce que nous appelons le groupe révolutionnaire charlatan. Mmh. Ah d'accord, donc tu balances le nom du... Ou... l'autopromo. Hein. Non mais il n'y a pas de souci. Après moi je ne sais pas quelle part à quel point est-ce que vous voulez être discret sur vos activités, qu'est-ce que vous voulez déclarer entre guillemets, qu'est-ce que vous voulez garder pour vous. Moi j'en sais rien, c'est pour ça que je posais la question. Misère, un petit mot éventuellement. Les activités du GRC donc elles sont disponibles sur le compte Twitter, enfin on a une communication publique. Mmh. Donc juste pour que les gens s'y retrouvent, histoire que ce soit pas trop opaque, quand on se mobilise sur Tolbiac, on passe par le FC Tolbiac, tout simplement. Le FC Tolbiac. Voilà, c'est une organisation qu'on a créée avec des gens sur place qui permet de gérer les affaires de Tolbiac sans forcément dépasser, empiéter sur ce qu'on fait à l'extérieur de la faculté. Mmh. Et le groupe révolutionnaire charlatan, c'est le groupe qui est au-dessus, entre guillemets, c'est le groupe qui a donné naissance à cette organisation. Qui compte des militants donc présents sur Tolbiac mais dans d'autres facultés, que ce soit Paris 8, Paris 1 ou à l'EHESS par exemple. Et c'est plutôt via sous ce nom-là qu'on a un pied, comme disait Mao, dans le milieu autonome ou ailleurs, voilà, qu'on essaie d'intervenir avec nos humbles moyens et dans les mouvements sociaux. Oui, parce que ce groupe en question, moi j'en ai entendu parler il y a 3 jours, grossièrement, pour la première fois. Il a été créé quand, comment, pourquoi, enfin, même si les groupes autonomes, on sait, on connaît à peu près leurs objectifs, mais j'aimerais en savoir éventuellement plus sur le sujet. Ça fait bientôt un peu plus d'un an qu'on existe, presque deux, pour une raison matérielle, face à un manque d'agitation autour de l'anti-impérialisme, et un manque cruel de dénonciation de l'impérialisme français, d'accord, notamment à Paris. Et c'est face à ce constat qu'on a décidé de s'organiser ensemble, premièrement pour essayer de faire un peu d'agitation autour, et au-delà de ça, s'organiser pour faire un travail militant et une intervention dans les mouvements sociaux à partir de cette base commune. D'accord, mais quel type d'intervention par exemple? On va commencer par le plus tranquille. Bon, on a organisé deux cycles de conférences. Alors c'était la première fois, c'était il y a 2 ans donc. Oui. C'était une semaine de conférences autour de thèmes de l'anti-impérialisme. Alors bon, comme c'était une première, il y avait pas mal de cafouillages. Sur Tolbiac. Sur plusieurs sites. Je pense que la conférence qui a le plus marché, c'était une conférence avec une conférence organisée à l'Université Paris 8, Saint-Denis. C'était quand ça? C'était, je ne saurais pas te dire la date, mais c'était en fin d'année universitaire. Non. C'était printemps. Non, c'était printemps. C'était printemps parce qu'on a voulu le faire à peu près à la printemps même période. 2019. Printemps 2019. Il y a eu une conférence qui a pas mal marché avec Alessandro Stella, Jean-Marc Rouillant et Saïd Bouamama. Ah, d'accord. Voilà, c'était la phare. On a fait un format un peu différent. C'était sur 4 semaines avec une conférence par semaine, c'est ça? Mm-hmm. Donc, voilà, un peu moins ambitieux, mais un peu moins demandant et un peu plus réaliste. On a commencé ça 3 semaines avant le confinement et le confinement est tombé la veille ou l'avant-veille de la conférence phare de notre cycle, qui était une conférence sur l'extractivisme et l'impérialisme. Avec, au niveau des interventions, des camarades pour venir parler de la situation de la Guyane et surtout de la Kanaki. Oh oui, très bon sujet. Donc, la Kanaki qui a son référendum le 4 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Encore, mais ils en ont déjà eu un. Oui, c'est le deuxième, je crois. Il y en a 3 en tout. Et au terme du troisième, ce sera terminé, d'un point de vue légal, constitutionnel, tout ce que tu veux. Excuse-moi, misère, même si ce sera pas le sujet de notre, c'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui, mais enfin, parce que ces histoires de référendum ça concerne un territoire d'outre-mer français, et sachant que l'AF prétend défendre les territoires d'outre-mer en plus de la métropole. Ouais. Comment ça se fait qu'il y ait un troisième référendum? Je fais cette petite parenthèse. Non, mais d'ailleurs, l'Action française a une section, revendique une section à Nouméa, en Kanaki d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas totalement sans lien. On attendra de voir quelle communication aura cette section sur le référendum. Non, mais c'est concrètement l'État colonial a accordé, je sais pas comment ça s'est décidé, mais 3 référendums répartis dans le temps. Je suppose que c'était une manière dans l'éventualité où le oui pour l'indépendance l'emportait à un moment donné au premier référendum, ça permettait d'en avoir 2 autres derrière, peut-être pour temporiser. Je saurais pas trop te dire personnellement, je suis pas la personne la plus calée dans le groupe pour parler de la Kanaki. Bon, mais voilà, c'est juste, il y a 3 référendums, c'est comme ça. Le deuxième est en octobre et au premier, une partie des organisations révolutionnaires kanak avait appelé à ne pas participer. D'accord. Donc bon, c'est des questions d'actualité. On aura l'occasion d'en reparler. Enfin, en tout cas, nous, de notre côté, faire un peu de travail là-dessus, parce que voilà, ça nous intéresse. On s'intéresse à l'impérialisme français et c'est leur actualité. Mais bon, il y aura des activités, je pense, dessus. Ok, ah bah c'est intéressant, c'est pas mal qu'il y ait des initiatives sur le sujet, que ce soit sur ce sujet-là ou d'autres, mais le truc c'est qu'effectivement, ne consultant pas Internet forcément en permanence, j'avais pas vu passer ce type d'activité. Aujourd'hui, hein, le sujet qu'on est supposé aborder, c'est tout de même l'action française, parce que là aussi, il y a de quoi tchatcher, hein, parce que là vous avez parlé d'un territoire d'outre-mer... la Kanaky, etc. L'action française, ça s'est créé ici en métropole. Là, avant toute chose, j'ai la revue d'action française d'Henri Vaugeois. Je suis allé sur le premier numéro que j'ai trouvé sur Gallica, hein, la plateforme en ligne de la BNF, le numéro 22. Et dans ce numéro 22, sachant que l'Action française, c'est une organisation créée officiellement en 1899, ou plutôt un journal créé officiellement en 1899. Et alors donc sur le premier numéro trouvable en ligne de la revue d'Action française, Henri Vaugeois, qui était le directeur de cette revue, explique bien que le but de cette Action française, c'est de faire renaître la France, et que pour ça, il faut abolir la République et restaurer la monarchie. Et donc, on en a parlé un petit peu avant, quelle est la colonne vertébrale idéologique de cette ambition-là ? C'est le fameux nationalisme intégral. Et alors, si on s'intéresse un peu à ce nationalisme intégral, d'après Henri Vaugeois notamment, on se rend compte que l'objectif, c'est de cimenter une sorte d'union entre l'armée, l'Église et la couronne, c'est-à-dire reformer une royauté catholique guerrière, et surtout, sachant qu'au début du XXe siècle, l'Action française était et est sans doute encore aujourd'hui anti-juive, anti-protestant et au début du XXe siècle anti-dreyfusarde. Hein, ça, c'était l'une des raisons d'être de l'Action française, l'une des raisons pour lesquelles elle s'est fondée. La boussole littéraire de l'Action française, si on peut dire ça comme ça, c'est Charles Maurras, évidemment. Charles Maurras, mais aussi Maurice Barrès. On peut dire que il y a un cousinage assez important entre lui et Maurras. Surtout par rapport à l'anti-germanisme en fait de cette époque-là, mais pas uniquement, parce que Maurice Barrès et sa fameuse Ligue de la Patrie Française, créée en 1898, étaient très anti-dreyfusarde aussi, et on pourrait remonter dans le temps aussi en 1882, le 18 mai, à une Ligue des Patriotes fondée par Paul Déroulède, hein, et qui partage donc avec et Maurice Barrès et Charles Maurras un anti-germanisme, comme je l'ai dit, assez vigoureux. Pour terminer un petit peu ma présentation, hein, après on pourra étoffer un petit peu avec Lise, on pourra étoffer la carte d'identité de cette organisation. Son objectif, d'après son manifeste trouvable sur son site internet, c'est défendre l'héritage en absence de l'héritier, c'est-à-dire, hein, pour être plus précis, défendre la France et ses prolongements outre-mer contre toutes les agressions intérieures et extérieures, et en fin de compte, le combat suprême qu'elle se donne, c'est la sauvegarde de la nation française et la liberté du pays réel. Là aussi, c'est une un des piliers intellectuels de l'AF. Alors, au niveau purement action, j'aimerais qu'on commence par ça, hein, parce que c'est, je pense, ce qui peut intéresser nos auditrices et nos auditeurs. Ces dernières années, hein, l'Action française s'est signalée, par exemple, par des déblocages de lycées ou des tractages, hein, devant des centres universitaires, comme celui de Pierre Mendès France, hein, à Paris 1. Mao, Misère, Élise. Aujourd'hui, de quelle force de frappe, d'après vous, dispose réellement l'Action française ? Et vous, en fait, quelle expérience vous avez par rapport à cette organisation sur vos lieux d'études, hein, par exemple, à Tolbiac ? Aujourd'hui, l'Action française, en tout cas à Paris et dans pas mal de grandes villes françaises, elle est quasiment morte. D'accord. Depuis à peu près la fin du mouvement des Gilets jaunes, en fait. Par exemple, à Paris, l'Action française, depuis un an, ne fait que des conférences dans leurs locaux. Oui, voilà. Cachées, sans prévenir. Ça fait quand même un certain temps qu'on ne les a pas vus tractées. Ou coller des affiches même. Donc oui, aujourd'hui, la force de frappe actuelle de l'Action française est très réduite, surtout depuis la scission qui a eu lieu. Ça aussi, oui, on en reparlera. En 2018. La scission, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai un chapitre sur ça, mais on peut très vite fait l'aborder maintenant, en fait. Hein, parce que maintenant, il y a deux actions françaises, en fait. C'est ça. Ouais, j'ai un petit. Voilà, c'est là. Oui, une scission, fin 2018, octobre 2018, entre le comité directeur de l'Action française, qui a donné naissance à un mouvement qui s'appelle Amitié et Action française, et qui est domicilié au 48 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, dans le 17e arrondissement de Paris, et qui abrite notamment le Cercle Édouard Drumont. c'est une scission revendiquée donc par le fameux comité directeur, avec dedans le grand Eliatem. lui ou même d'autres, comme André Charles par exemple, eux, ce sont plus ou moins des historiques de l'Action française qui ne se reconnaissent pas dans l'AF actuelle, Lise. C'est ça. Oui. Et sur, pour en revenir à l'Action française actuelle, donc celle à peu près avec les militants qu'on connaît, oui, qui est justement l'autre Action française, l'autre, qui est la plus active. Dirigée par François Belker, par exemple. Et qui a gardé son local rue Croix des Petits Champs, dans le premier arrondissement, à Châtelet. Au numéro 10. Exact. C'est ça. Eux, par exemple, c'est ceux, après, qui communiquent encore le plus. Oui. Mais malgré tout, depuis cette scission, en tout cas à Paris, c'est assez inexistant. Et même dans d'autres villes où l'Action française était plutôt active, comme à Marseille, depuis que les membres de l'Action française Marseille ont scissionné pour rejoindre le bastion social qui n'existe plus, hein, le bastion qui d'ailleurs a disparu lui aussi. Oui. En fait, la plupart des militants Action française sont maintenant dans d'autres groupes. Oui. Aussi car l'Action française en fin 2017 début 2018 si je ne me trompe pas l'Action française a fait un ménage dans ses militants en jetant leurs militants les plus violents, oui, qui se sont retrouvés par exemple à Paris dans d'autres groupes comme les Zouaves ou Génération Identitaire. Je t'arrête deux minutes, mais au niveau des Zouaves, qui de l'Action française les a effectivement rejoints? Est-ce que c'est le cas de leur chef Aillon? Marc de Cacré a été effectivement à l'Action française quand il était au lycée. Marc de Cacré Valmenier. C'est ça. Sur Facebook, Marcassin. C'est ça. Il est marrant celui-là. Était à l'Action française quand il était au lycée, si je ne me trompe pas. Pas à Paris, à Reims. Ouais. Et aussi leur tête pensante aux Zouaves, qui est Aloïs, a été à l'Action française. Voilà. Ouais. D'accord, lui aussi était à l'Action française. D'autres militants des Zouaves Paris sont aussi passés par l'Action française, comme Louis Seffrand ou. Oui. Ou encore Thomas SNU, sont des très jeunes, sont les plus jeunes des Zouaves qui sont passés par l'Action française et qui en fait en sont vite partis car c'était pas tant le côté militant idéologique qui les intéressait. Si ce n'est la bagarre et la rue. Oui, avant toute chose, eux, c'est ça. Donc, ce serait. Alors, c'est eux qui sont partis ou c'est l'AF qui les a mis dehors? Alors, Louis Seffrand et Thomas sont partis d'eux-mêmes. Mm-hmm. Marc et Aloïs ont été jetés. D'accord. Tout comme un autre militant qui se fait appeler Minorité, qui a dû quitter l'Action française, même s'il y traîne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout, ces militants ont parfois été jetés de l'Action française, mais continuent à se mobiliser avec eux. D'accord. On les voit par exemple, je pense à la marche Paris Fierté. De toute façon, il y a toujours eu, enfin, il n'y a pas de frontières, enfin, il y a une porosité entre tous les groupes d'extrême droite. Oui, ça, Lise faisait allusion au ménage en 2017-2018, c'était ça? Oui. Bah, typiquement, en 2017, il me semble que c'était la branche marseillaise de l'Action française, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, un an avant qu'une partie de ses membres ne rejoigne Dissidence française, le Parti nationaliste et Génération identitaire pour fonder donc la Bastide. La Dissidence française dirigée par Vincent Vauquelin. Voilà. Et alors le Parti nationaliste qui s'appelle aujourd'hui Les Nationalistes, dirigé par Yvan Benedetti. Voilà. Qui ont revendiqué la dégradation de la fresque en hommage à Madame Traoré récemment. Oui, d'accord. Et donc pour revenir en 2017, sur un peu avant le grand ménage, et ça montre un peu les liens qui sont indéniables entre tous ces groupes, la police a saisi plusieurs armes à feu chez un dénommé Logan Alexandre Nizin, néo-nazi, passé par l'Action française, où il s'était fait remarquer avec pas mal d'appels au meurtre, à la haine raciale, bon, tout ce qu'on peut imaginer, avec beaucoup le thème de la guerre raciale. Et donc il y a quelques enquêtes qui ont été menées, et ça s'est terminé chez Jérémy Bizu, Jérémy Palmieri, pour les intimes, et pour l'état civil, qui était responsable à l'époque de la section marseillaise d'Action française et qui avait chez lui des portraits de Pétain et de Mussolini. Donc voilà, il y a quand même une porosité tant idéologique que organisationnelle entre tous ces groupes, qui est évidente. Ouais, c'est pas mal. J'avais justement prévu de parler de tout ça tout à l'heure, mais c'est très intéressant qu'on aborde le sujet, d'autant que vous avez l'air quand même très bien informé. Vous me confirmez que par rapport à ceux-là qui composent aujourd'hui les Zouaves, alors les Zouaves, c'est très compliqué, c'est une bande éparse, hein, on a un peu de mal de l'extérieur à vraiment cerner ce qu'est ce groupuscule, mais vous me confirmez que les tauliers, entre guillemets, dont on a rappelé les noms tout à l'heure, hein, Marc de Cacré-Valmenier, Aloïs Vojinovic, vous me confirmez mais que ceux-là, ce qui les intéressait pas trop à l'Action française, c'était quoi, le manque d'action, le manque de bagarre, le manque de virilité entre guillemets. Vous me confirmez que c'est ça ou il y a peut-être autre chose derrière? Ces deux-là ont été plutôt expulsés de l'Action française, même si aux Zouaves, c'est pas tant un groupe militant d'extrême droite. C'est un groupe de combat. Ils ne font pas de politique. Eux, ils se revendiquent d'extrême droite parce qu'ils sont anti-antifa, en fait. Oui. C'est ça, c'est leur ligne directrice. Mais certains d'entre eux, ensuite, font du réel militantisme idéologique. Aloïs Vojinovic a traîné avec le FNJ. Oui, ça, on peut s'en rendre compte. Si on regarde Génération 8, là, le documentaire d'Al Jazeera, il balance un peu son CV, FNJ, GUD, Jay Paris, vite fait aussi. C'est ça. Ouais. Et Marc, lui, est plutôt intéressé par le nationalisme révolutionnaire et le nazisme, mais dans d'autres pays d'Europe, comme en Ukraine, avec ce qui s'est passé en Ukraine en 2014, ou encore aujourd'hui ce qui se passe actuellement en Biélorussie. Le fond du groupe Zouave Paris n'a pas pour objectif de faire de la politique. Leur objectif, c'est de faire de la rue, c'est-à-dire se battre, aller dans les manifestations des Gilets jaunes pour soit se battre avec la police, soit se battre avec ce qu'ils appellent les gauchistes et les communistes, pour les virer des manifs et pour eux, en pensant que en faisant ça, ils réussiront à créer un mouvement révolutionnaire, nationaliste. En fait, leur objectif est de créer du désordre pour provoquer une réaction autoritaire de l'État. Mais ils font pas de politique, ils écrivent pas de tracts, ils n'ont pas de ligne idéologique. Alors, ils ont une espèce de page ou net là sur Telegram maintenant. Ouais, c'est principalement de l'imagerie néo-nazie qui provient de pays de l'Est d'ailleurs. C'est même pas eux qui l'alimentent à fond. Moi, ce que j'avais vu, c'était par exemple des espèces de graffiti en hommage à Roger Olyndre, ancien sergent de parachutiste qui a fait l'Indochine, l'Algérie, qui a été cadre du Front National, qui a monté le Front National, qui avait fait partie d'Occident aussi. Enfin, lui, il a fini au Parti de la France de Thomas Joly et il est mort là en février. J'avais vu aussi d'autres choses, qui avait l'air en fait d'être proche de l'armée parce qu'il y aurait chez eux des légionnaires par exemple ou des gens qui seraient passés par là, c'est fort possible. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais vu sur leur espèce de page Telegram, sachant que bon, leur page Facebook elle existe plus beaucoup, même plus du tout. Il me semble, West Casual. Bon, mais en tout cas, effectivement, vous confirmez vraiment un cousinage entre tous ces groupes. Pour moi, c'était pas forcément évident parce que si vous parlez à SB de la Horde qui est venu ici en janvier, le lien entre tous ces groupes est pas évident. Surtout parce que au niveau idéologique, ils se revendiquent pas spécialement, pas forcément en tout cas, des mêmes courants. Hein. Le nationalisme intégral, c'est pas le nationalisme révolutionnaire. T'avais éventuellement quelque chose à dire, toi, Mao, une différence. Le lien est social principalement. C'est la droite antiparlementaire est en fait est un milieu extrêmement restreint. Si on veut entre guillemets faire une action qui a de la gueule, il faut aller voir un peu en dehors de sa famille. Et du coup, ça pousse un peu pour ces gens-là à faire des petits compromis idéologiques. Mais au-delà de ça, oui, ce sont plus ou moins les mêmes personnes, qui traînent ensemble. Oui. Mais c'est quand même surprenant, effectivement, de voir des royalistes passer, faire en quelque sorte office de transfuge, quoi. Parce que, quand même, les royalistes, ils ont une volonté, une prétention vis-à-vis du trône royal français. Ça, c'est pas n'importe quoi. Et c'est sur ça que je veux revenir là tout de suite, en fait. Parce que le volet historique de l'Action française, c'est important de le cerner pour bien comprendre de quoi on parle en vrai. Parce que, en étudiant la propagande de l'Action française, notamment pendant les années 30, hein, les fameuses années ligueuses, comme certains les appellent, on peut se rendre compte qu'au moins une partie de ces militants agissent avec des structures alors qui affirment défendre le commerce, l'industrie, l'artisanat français contre les charges fiscales hein, qui, d'après ces discours, étrangleraient le contribuable. Alors, sans grande surprise, hein, ces groupements en question... On peut trouver des liens assez prononcés avec avec des syndicats patronaux, hein, comme à l'époque la Confédération Générale de la Production Française, l'ancêtre du MEDEF, hein, en somme. Et l'objectif de tout ça, c'est développer une organisation économique corporatiste. Et pour être très précis, le corporatisme, alors c'est la définition de métiers et de professions distinctes les unes des autres, fonctionnant de façon verticale. D'où les revendications en fait des adeptes de cette idéologie, de la libre entreprise, le libre échange, le droit de propriété. Et alors, à cette époque-là, là, on vient de parler des relations actuelles avec tel ou tel groupuscule, telle ou telle organisation. Mais dans ces années 30, hein, on avait pu trouver des liens avec, par exemple, les Jeunesses Patriotes, hein, du député de Paris, Pierre Tétinger, dont j'ignorais, ainsi que tu l'expliques, toi, misère, qu'il était bonapartiste. Il y a aussi la Solidarité Française du parfumeur François Coty et aussi le Mouvement Social des Croix de Feu du lieutenant-colonel François Delaroque. Et effectivement, moi, j'aimerais comprendre, parce que toutes ces organisations grossières n'existe plus, mais est-ce que vous pensez qu'elles alimentent intellectuellement les groupes dont on a parlé là à l'instant, Génération Identitaire, Zouave, FNJ, qui s'appelle aujourd'hui Génération Nation, hein, le Front National de la Jeunesse n'existe plus, ça a changé de nom avec le Rassemblement National. Alors est-ce que vous pensez, parce que là tu parlais, misère, en début d'émission, du groupe charlatan, groupe révolutionnaire charlatan, là toi tu m'as transmis une brochure sur l'Action Française, on peut en parler rapidement, de quoi l'Action Française est-elle le nom, hein, 15 pages à mon sens d'informations vraiment instructives. Qu'on va reprendre, étoffer, sans doute, une conclusion, comment tu l'avais présenté. Une conclusion plus d'analyse, puisque... C'est très historique, oui, c'est un peu l'avant-première. Préciser un peu ce qui peut manquer dans cette brochure, parce que moi, les recherches que j'ai pu faire, je les ai faites notamment via Gallica, hein, qui est un outil assez intéressant, la plateforme en ligne de la BNF, c'est sûr, mais c'est vrai que, voilà, moi, ce qui m'intéresse, comme on en a parlé à l'instant, le côté action, côté rue, côté vraiment concret, mais là, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau corps intellectuel, donc ce qui les anime, ce qui anime leurs actions. Est-ce que vous, parce que en fait, vous en parlez dans votre brochure, hein, des Croix de Feu, des Jeunesses Patriotes, la Solidarité Française de François Coty, vous pensez que il y a une alimentation intellectuelle provenant éventuellement de ces organisations pour tout ce qui est Bastion Social, Action Française, Génération Identitaire ou même le Rassemblement National? Principalement non. On parle de ces organisations parce que nous estimons qu'elles sont importantes pour comprendre le développement historique de l'Action Française. Mais si on a décidé de faire notamment cette brochure sur l'Action Française, c'est parce que nous estimons que l'Action Française et la pensée de Charles Maurras est un élément déterminant dans le développement du fascisme en France. Et que l'Action Française fut, du moins pendant la première période du fascisme en Occident, fut celui qui a porté, entre guillemets, le projet à proprement dit, qu'on pourrait qualifier de fascisme, d'extrême droite et de fascisation de l'État, qui n'a pas pu se réaliser pour un certain nombre de raisons, la force du mouvement antifasciste notamment, mais deux choses, parce que justement on parlait de plusieurs ligues, Solidarité Française, Jeunesse Patriote. Il faut savoir que les Croix de Feu ont rompu avec Action Française dans les années 30. D'un côté, on remarque que les Croix de Feu se considèrent comme républicains. Oui, bien sûr. Rejettent l'antisémitisme de Maurras. Et quand les Croix de Feu sont dissous en 36, ils fondent le Parti Social Français, qui refuse la collaboration, dont la devise est reprise par Vichy, ça vient de là, Travail, Famille, Patrie, et dont le chef qui refuse les postes qui lui sont proposés, qui crée un réseau de résistance avec les Britanniques, et qui est interné ensuite par les Allemands en 43 quand le réseau est découvert. Donc c'est quand même pas le même parcours que Maurras. Voilà. Et donc les Croix de Feu qui revendiquent la création d'un mouvement de masse, ce qui n'est pas le cas de l'Action Française. Mm-hmm. Donc ça diffère en cela aussi, il y a une différence entre l'Action Française et même le fascisme, que ce soit en Italie. Voilà. Oui, parce que ça, attention, hein, ils communiquent beaucoup là-dessus, parce qu'ils disent, mais quoi, on est fasciste, mais rien du tout, on n'a rien à voir avec Mussolini, nous. Et même sur le corporatisme, il y a des corporatismes. Le corporatisme fasciste, il se revendique comme un vecteur de progrès social. Quand on regarde typiquement l'évolution de les positions de Maurras et de l'Action Française vis-à-vis du fascisme italien, il évolue. Au début, il y a deux temps forts. Bon, d'abord, quand Léon Daudet, qui était un haut cadre de l'Action Française, apprend la marche Rome, il dit, je cite, « L'Action Française, elle aussi, s'emparera du pouvoir par la force, et l'épuration faite par les fascistes ne sera rien à côté de ce dont la France sera témoin. » Je te retrouverai la source. C'est dans une lettre qu'il a écrite, sauf qu'en fait, après l'admiration devant la marche sur Rome, en 1928, la dictature fasciste, elle est bien accueillie par le mouvement royaliste, en tout cas par l'Action Française, parce qu'elle conserve la monarchie, elle renforce les relations entre l'Église et l'État, et évidemment, elle s'attaque avec virulence au mouvement ouvrier, liée aux organisations révolutionnaires, socialistes, communistes, etc. En 1928, il y a les lois scolaires qui sont passées, qui expliquent que l'enfant n'est la propriété ni de l'église, ni de la famille. Il incombe à l'État de lui inculquer les valeurs fascistes, bon, etc., etc. Donc déjà, c'est critiqué par Maurras qui dit non, c'est la famille traditionnelle, le rôle de l'église. Mmh. Et en 1932, il y a la fameuse déclaration de Mussolini, il n'y a rien d'humain ou de spirituel qui n'a de valeur en dehors de l'État. Ce qu'une partie des gens appelle la statolatrie, l'idolâtrie de l'État. Mmh. Il n'y a pas de rupture définitive avec le fascisme, mais c'est quand même un deuxième point d'opposition assez forte. Et donc, c'est là que, justement, les royalistes vont te répondre, mais moi, je ne suis pas fasciste. Je ne veux pas que la fortification de l'État, elle entrave les libertés des groupes sociaux, ou qu'elle marginalise le pouvoir de la monarchie. Je suis contre le centralisme. C'est aussi un argument très fort. Ils veulent une monarchie décentralisée. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Une monarchie avec des États généraux. Comme l'ancien régime, avec des parlements... provinces, voilà, exactement. Oui, mais enfin bon, après, s'il y a un roi, il y a une organisation in fine quand même centralisée. C'est quand même bizarre cette histoire de décentralisation. Le roi décide quand même. Le roi est un arbitre dans leur imagerie. Oui, mais il crée quand même des structures locales permettant les fameux parlements qui ont duré X siècles. D'ailleurs, effectivement, sans vouloir refaire l'histoire de la Révolution française, on trouve des avocats, des magistrats qui officiaient dans ces parlements, ensuite dans les états généraux, puis l'assemblée constituante, etc. Donc, à un moment donné, le roi est à la tête de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent parler de décentralisation? Et après, ils vont se cacher derrière le côté, justement, ça va être leur argument... Le roi représente, il incarne l'unité, on connaît, voilà. Oui, bien, non mais oui, mais oui, c'est vrai c'est, que... C'est l'argument qui est ressorti le plus souvent, quoi. Ouais, mais qui n'est pas étoffé, donc... Non. C'est aussi ça. Moi, je me dis qu'effectivement, leur argumentation, qui est quand même très limitée, elle peut être facilement contrable. Mais ce qui pose problème, peut-être aujourd'hui, avec leurs universités d'été, et alors, même si toi, Alice, tu m'as expliqué en début d'émission que c'était une organisation qui se mourait, si on en parle, c'est que bon, au-delà de leurs universités d'été, à une époque, ils venaient tracter à Tolbiac. Aujourd'hui, on a la cocarde. On a expliqué, ça aussi, ça m'intéresserait de savoir. On en a parlé un peu en février des éventuels cousinages entre les deux organisations. J'aimerais bien éventuellement qu'on revienne dessus, parce que là, du coup, on parle de choses vraiment concrètes. Là pour le coup, on parle d'action. Donc, est-ce qu'on peut en reparler un peu? Aujourd'hui, entre guillemets, sur les facs, l'organisation donc d'extrême droite qui œuvre le plus, c'est la Cocarde, donc qui a fait vraiment un bond dans cette année 2019-2020, malgré que tout a été stoppé en mars. La Cocarde, avant cette année, ne venait que tracter une fois ou deux fois par an pour des élections, pour essayer de grappiller quelques voix. Mais début d'année scolaire 2019, on a remarqué un rebond, un regain d'activité de la Cocarde qui a beaucoup recruté. Mmh. En fait, par exemple, ce qu'on voit, je vais prendre l'exemple de Paris 1, sur des militants d'extrême droite assez, assez isolés, les a récupérés pour en faire une force militante majeure. Et on a remarqué aussi, lors de ces tractages, l'arrivée de plusieurs militants de l'Action française, souvent des jeunes, enfin, pas les têtes très connues en fait de l'Action française, mais qu'on pouvait ensuite quand même retrouver sur les photos de leur tractage, les photos de leur réunion. Donc on savait qu'il y avait un lien. Parce qu'ils postent pas tout le temps masqués, hein. C'est pas. C'est ça. C'est pas les zouaves. Ils ont une communication. L'Action française, comme GI d'ailleurs, et comme la Cocarde aujourd'hui, a une communication très policée. Ils veulent pas faire penser qu'ils sont un groupuscule. Ils veulent faire de la ils font de la politique. Donc, et eux, leur vision de la politique, c'est une vision de ne pas être dans l'invisibilité ou d'être dans la clandestinité. Mm-hmm. Pour eux, ne pas se masquer, c'est aussi un moyen de dire on est des gens normaux, on est des gens comme tout le monde. Oui. Leur façon de s'habiller, ils s'habillent pas comme ce qu'on pourrait imaginer d'un royaliste, un mec en costard avec une coupe. Bizarre. Et il s'habille pas non plus en kawaii ou en machin pour se masquer, c'est ça, etc. Il pose chef d'entreprise standard, bâtisseur, jeune étudiant. Voilà, ça, c'est, ils aiment bien cette image-là, quoi. En voie d'insertion dans le monde professionnel. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il joue, quoi, comme image. Continue, Lise. Et du coup, le lien entre, pour en revenir au lien entre la cocarde et l'Action française, oui. Ça leur a servi à la cocarde parce qu'ils ont besoin de militants, et je pense que les militants Action française, eux, avaient besoin de trouver autre chose, car l'Action française ne peut rien faire à Paris, car à chaque moment où elle sortait, où elle est sortie en fait entre 2018 et la fin d'année 2019, mmh. ils se sont fait réprimer. Début 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes, ils ont essayé plusieurs fois de tenir un tractage régulier à Jussieu, par exemple. Ah oui. Oui. Où tous les vendredis ils allaient tracter en mois d'octobre, novembre, tous les vendredis ils allaient tracter donc devant devant Jussieu. Ah, Jussieu. C'est ça. Je en vendant leur journal. Ah oui, en plus il a changé de nom à l'époque. Ouais, le bien commun. Le bien commun, ça s'appelle maintenant. Et à l'époque c'était l'Action française 2000. Hein, c'est, ça. C'est ça. Et ouais. Sauf que quand ils ont commencé à vendre le bien commun, ils ont commencé à le vendre devant Jussieu. D'accord. Puis ils se sont fait attraper par des militants antifascistes une première fois, puis une autre fois ils sont venus, il y avait d'autres militants antifascistes, il n'y avait pas eu de réelle confrontation, mais ça leur a fait passer un message, et donc la fois d'après quand ils sont revenus, ils sont, quand les militants antifascistes ont décidé de revenir, les militants Action française sont allés devant Tolbiac, parce qu'en fait ils ne pouvaient pas, ils peuvent pas se permettre une réelle confrontation, ils n'ont pas le nombre. Ils n'ont pas les gabarits, ils n'ont pas le nombre. En plus, faudrait qu'ils poussent sur la fonte un peu. C'est ça, mais c'est pas. À Paris, il y a du répondant au niveau de la gauche. Bah oui. La gauche a plus de répondants que ce que l'extrême droite peut donner. Et donc, après ça, on n'a plus une nouvelle, entre guillemets, de l'Action française, qui a arrêté de poster aussi pendant quelques semaines où est-ce qu'ils tractaient. Et ils ont continué à le faire. Ils ont continué à tracter, mais avant ça. Dès qu'ils tractaient, dès que le tractage était fini, ils postaient sur leur page Facebook, oui, ils communiquaient. Bien sûr. D'ailleurs, excuse-moi, mais parce que, alors, moi, je suis pas un grand ancien, mais enfin, il y a encore quelques années de ça. Bon, effectivement, les tractages à Tolbiac, ça c'était une chose, mais il y avait aussi les tractages à Cluny, la Sorbonne. Oui. Devant le métro, là. Alors, il y avait eux, il y avait à l'époque encore le GUD était là, qui venait aussi. Alors, à l'époque, il y avait, on en parlera pas aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais il y avait le SIAMO, dont on m'a dit qu'ils étaient plus spécialement actifs, mais enfin, c'est pas, ils sont, on peut en parler ou pas? Parce que moi, j'ai pas envie de j'ai pas envie de trop parler, donc faut voir un peu ce qu'on peut dire à l'antenne, quoi. Le SIAMO existe toujours comme la plupart des groupes antifascistes sur Paris, mais au niveau de l'activité, est-ce qu'on peut vite fait éventuellement en parler? Le SIAMO à Paris continue de faire leur travail, continue de tracter, continue de tenir des tenir des tables, comme par exemple à Tolbiac où on a organisé une tombola en commun avec le GRC, le SIAMO et le Tolbiac FC. Le SIAMO l'année dernière a tracté par exemple tous les vendredis dans le quartier latin ou à Tolbiac, enfin en tout cas où ça, dans le quartier latin, à Cluny la Sorbonne. Oui, bah oui, voilà, on en parlait. Cluny et devant la Sorbonne mère. Les groupes antifascistes parisiens, que ce soit le SIAMO ou même les rapaces avant, continuent d'exister. Après, il y a eu le confinement qui a fait que la plupart des groupes n'ont pas eu d'activité depuis mars, mais la des rentrée. Activités différentes, quoi. C'est solidarité populaire, c'est plus ça. Que l'antifascisme de rue. En réalité, l'antifascisme depuis mars, il ne s'est pas passé grand chose. Tu m'étonnes. Il y a rien à faire. Il y a juste eu les zouaves qui ont attaqué le Saint-Sauveur, cadeau de déconfinement, ça. Repose en paix, Bastien. Voilà, où un militant des zouaves Paris s'est fait attraper et voilà, on va pas étayer. Non, non. Et même encore après, où les zouaves, et en fait, on va faire une petite aparté sur les zouaves. Les zouaves, en réalité, ils sont morts parce qu'on s'en rend compte, car ils font une action coup de poing. Oui. Au final, en général, ils perdent, même quand c'est eux qui sont à l'engagement des actions, perdent, communiquent sur le tas, et on ne les retrouve plus, car les oies sont invisibles à Paris. On ne les trouve pas. Alors, on les trouve pas, mais moi, je me suis demandé pendant un temps, c'est, tu vas peut-être me confirmer, parce que ce qui fait en fait qu'une bande comme ça peut se structurer, c'est la possibilité de se réunir, de se retrouver, par exemple, dans des locaux. J'avais pensé un moment à la nouvelle librairie, rue de Médicis. Non, vous pensez vraiment pas que les oeufs peuvent traîner là-bas éventuellement se rencarder. Les oeufs Paris. Hein, c'est un truc d'intello, la nouvelle librairie. Oui, d'accord, mais enfin, il y a de l'espace. Donc, est-ce que cet espace-là peut éventuellement leur permettre de bouger? C'est rue de Médicis, juste à côté du jardin du Luxembourg. Donc, vous pensez vraiment pas que les oeuvres aient pu avoir un lien avec ça? Mais donc, pour toi, les oeuvres terminées, quoi. Les oeuvres, c'est pas terminé. Tout comme d'autres groupes, comme les Rapaces, ne sont pas terminés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'activité régulière. Ils ne traînent plus ensemble entre guillemets, mais quand il y a des choses à faire, ils sont là. Les oeuvres, le danger avec les oeuvres aujourd'hui, c'est que ils ont certainement des lieux où ils se retrouvent à Paris, mais ils se retrouvent plus comme avant dans certains bars du 15e ou du 18e. Oh là là, misère, parce que le bar du 18e, j'en avais un en tête, mais il a fermé lui. Le bar du 15e, là, le fameux local de Serge Ayoub, ça fait X années. Non, c'est pas ça. Ah. C'est pas. En fait, les oies n'ont jamais traîné dans des lieux d'extrême droite. Ah bah d'accord. Parce qu'il n'y a pas en fait de lieux d'extrême droite quasiment à Paris. Oh, il y en a eu. Le local dans le 15e. Il y a des lieux, mais ils les fréquentent pas. C'est pas leur lieu à eux. Les bars qui fréquentent sont des bars lambda. D'accord. Même archi lambda. Mais aujourd'hui ils ne traînent plus en bande comme avant où ils se retrouvaient les soirs à 20, 25, 30 dans leur bar et qu'ils étaient repérables entre guillemets. Parce qu'après ils faisaient des tours de Paris, ils se prenaient en photo, rue des Capucines, rue Mouffetard. C'est ça, ils se baladaient, ils cherchaient, ou alors ils allaient boire un coup à Saint-Michel, ils allaient boire un coup rue des Canettes. Rue des Canettes, c'est ça. Mais aujourd'hui, ils ne font plus ça. Les oeuvres, s'ils se retrouvent aujourd'hui, c'est chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans l'appartement de telle personne pour faire une soirée. Et après, deux, trois têtes vont aller dans tel bar, deux, trois têtes vont aller chez quelqu'un. Mais les oeuvres n'ont plus de lieu de rassemblement comme avant, même si avant, ils n'avaient pas de réel lieu de rassemblement. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas de local, ils n'ont pas de bar d'extrême droite qui les accueille. Ils ont rien de tout ça. C'est vrai que définitivement, quoi, les oeuvres, on peut plus ou moins zapper, on peut maintenir une légère vigilance, mais en nous concentrant sur autre chose. C'est ça que tu dis, toi, Lise? Ils représentent quand même un danger physique qui peut ressurgir en fonction de l'actualité, mais faut pas non plus se formaliser sur leur importance. Faut pas oublier le reste. Voilà. Puis d'un point de vue politique, les oeuvres ne sont pas du tout le danger de l'extrême droite non parlementaire, quoi. Et ils ont même pas l'importance qu'ils prétendent se donner, parce que les derniers bulletins dans la presse qui donnaient la parole à des policiers, là. Donc Lise faisait justement allusion à, en fait, c'est la stratégie de l'attention, ce que disait Lise. On crée du désordre pour appeler une réaction autoritaire de l'État. C'est pas nouveau. Tout le terrorisme, le fascisme des années 70, enfin 68, 60, bon, ça s'est maintenu jusqu'aux années 80-90 en Italie, mais enfin, c'était ça la stratégie. Sauf qu'Ordre Nouveau avait un journal, des locaux, des militants. Ordre Nouveau qui a donné le Front National. Oui, mais le Ordre Nouveau italien, du coup. Ah, pardon. Ouais, alors en Italie, Ordre Nouveau avait vocation, enfin voilà, ils avaient la même stratégie, sauf qu'ils existaient sur tout le territoire. Bon, voilà, c'était une organisation politique à proprement dit. Voilà, avec un peu comme Casapande aujourd'hui, peut-être. Ouais, qui se fait donner des locaux par la mairie de Rome et tout. Ouais, avec, je pense que, bon, du coup, Ordre Nouveau avait pas de locaux, c'était plus des locaux qui récupéraient. Mais ce que fait Casapando aussi, le Bloco Studentesco, je crois, c'est ça, le bloc étudiant. Ça passait beaucoup par les organisations étudiantes qui pouvaient, mais ça se fait des deux côtés de l'échiquier, qui pouvaient avoir accès à des locaux qui étaient ouverts à des groupes plus underground, moins légaux, tout ça. Okay. Mais non, c'est vrai que même ce que disent les sources policières dans la presse sur des groupes comme les Zouaves, c'est que bon, ce qu'ils disaient, c'est il y a une phrase géniale, je crois que c'est dans François, il y a pas non plus énormément d'articles sur les Zouaves, mais il y a un article génial. On lit pas beaucoup la presse ici à Radio Libertaire, mais bon. Non plus. Voilà, un article qui dit oui, ils sont dangereux, mais combien de fois est-ce qu'ils nous ont rappelé C'est pas étonnant, ça. Une superbe vidéo sur Antifa Squad, on fait de la pub aussi. Ouais. La vidéo d'Antifa Squad. Ah putain, tu mets pas ça, j'espère. Non, c'est pas ça. Sur oui. les types qui appellent la police pour se faire escorter jusqu'à leur voiture, quoi. Parce qu'ils sont à la place de Clichy, c'est ça. En train de danser en boîte, ils se font repérer par des antifascistes, ils leur disent sortez, ils appellent la police pour se faire escorter à la voiture. Puis souvent, c'est des drogués. Oui, ouais. Voilà, ça aussi, ça. Ils appellent pas le taxi comme Édouard Klein. Non. Ok. Bon, d'accord. Revenons sur la F. Bah voilà, oui, c'est ce que j'allais faire. Alors, l'action française, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les divisions que peuvent entretenir, qui peuvent exister dans tout ce Landerneau, là. Alors, là, on va remonter un petit peu loin. 1927, ils sont désavoués par l'Église elle-même. Oui. Par le pape lui-même, tu peux en parler, ça vite fait, parce que moi, dans mes petites fichettes, j'avais par exemple vu une dénonciation. Alors bon, c'est par un évêque d'Agen, donc c'est pas forcément très intéressant, mais qui désignait l'Action française comme une organisation sectaire et faussement catholique. Et je crois que ça reprend la diatribe là du pape Pie XI à l'époque, donc en 27, d'après la brochure, sachant que le prêtre qui s'appelle Monseigneur Sago du Voroux, hein, et peut-être que vous connaissez, j'en sais rien, lui il était et royaliste et antisémite, donc parfaitement en lien avec la doctrine officielle de l'AF. C'est juste qu'il disait que cette l'Action française se donnait ça comme paravent, mais qu'en réalité il n'était rien, il n'était ni royaliste ni anti-maçonnique, ni antisémite, ni défenseur de l'Église, bref, rien à garder. Et effectivement, toi, tu rappelles bien vous rappelez bien, groupe révolutionnaire charlatan, qu'en 27, l'Action française est désavouée par le pape Pie XI. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Oui, ben c'était globalement, pour synthétiser, c'était une réaction à un certain nombre d'écrits de Maurras. Oui. Plus spécifiquement Maurras, et pas forcément la presse de l'Action française, ce qui est mis en avant, c'est des thèses et des propos athées ou agnostiques. Athées ou agnostiques? Oui, oui, Mao. Justement, là où c'est aussi une des grandes originalités de l'AF, c'est que le royalisme d'Action française se base sur des constats philosophiques et une doctrine qui est, quand on la regarde de manière sans affect, et matérialiste et en définitive athée. C'est le besoin de revenir au roi et à l'Église catholique comme défense de la tradition. Et en fait, c'est face à un constat historique, c'est-à-dire pour l'Église catholique, le roi de France et les Bourbons seraient les meilleurs défenseurs de ce qu'est la France. Bah oui. Les Bourbons et les Orléans, tout ça. Là, il y a un sujet de discorde. Parmi les royalistes, certes. Bah, ouais. Justement, le fait que l'Action française ait choisi les Orléans, qui sont pas les Bourbons, les plus réactionnaires, et aussi suite à un choix pragmatique et royaliste, ce sont justement la branche des Bourbons qui vit en France et celle pour laquelle il n'y a pas de difficulté entre guillemets légale pour les faire venir sur le trône, contrairement à la branche d'Espagne qui aurait des difficultés à monter sur le trône de France du fait des... Il faut rappeler rapidement, parce que on en avait parlé en janvier, SB m'avait rétorqué que tout le monde s'en foutait, etc., de cette histoire-là, mais en réalité il faut rappeler pourquoi aussi, parce que les légitimistes qui ont une activité relative, ils ont fait une université d'été cet été même, hein, l'université Saint-Louis, hein, j'ai vu passer ça. Pourquoi est-ce que les légitimistes ne militent pas avec les... Et croyez-moi que sur leur site internet ils les démontent, les légitimistes sont violemment anti-orléanistes pour une raison simple, c'est qu'ils estiment qu'en 1830, quand il y a eu le changement de roi, Louis-Philippe Ier a usurpé son poste pour la raison suivante, c'est qu'effectivement Charles X avait passé le pouvoir non pas à son fils, parce qu'il lui avait demandé de contresigner l'acte d'abdication, puisqu'ils ont abdiqué. Charles X avait fait des lois sur la liberté de la presse, etc. Enfin, ça avait un peu chauffé pour lui, et à mon avis, il a dû avoir peur de se faire couper la tête. Donc, il abdique, il ordonne à son fils de contresigner, comme je disais, l'acte d'abdication, et finalement c'est le petit-fils qui reprend les rênes, sauf que le petit-fils en 1830 il a 8 ans, donc il passe le pouvoir provisoirement avec l'appui de l'Assemblée. Alors c'était pas l'Assemblée, ça s'appelait pas Assemblée nationale, ça devait s'appeler Chambre des députés à ce moment-là, tant et si bien que le pouvoir arrive entre les mains du cousin, c'est bien ça, le cousin de Charles X, Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, qui est nommé lieutenant général du royaume. Et lieutenant général du royaume se fait proclamer roi des Français par l'Assemblée dans les semaines ou les mois qui ont suivi, tant et si bien que les Bourbons disent mais non, on lui a passé le pouvoir provisoirement en attendant que le petit-fils de Charles X grandissent et soient en âge de régner, mais il n'était pas prévu que ce Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, devienne roi des Français, ce qu'il est devenu. Donc ce sujet de discorde entre légitimistes et orléanistes, il continue aujourd'hui de peser sur l'action française, notamment. Pas sur l'action française, sur le milieu royaliste. Justement, l'action française est, en tout cas depuis les années 60, et son grand tournant entre guillemets idéologique pour se débarrasser de son image d'extrême droite, fait de moins en moins référence aux prétendants pour lequel elle milite. Si vous avez regardé par exemple la story de l'action française sur le camp Maxime Réal del Sarthe de cette année, oui. Dans leur FAQ. Une jeune personne que je pense sûrement assez jeune leur a demandé si on pouvait adhérer à l'action française et aux idées de l'action française tout en étant légitimiste. Et le community manager de l'action française leur a répondu qu'ils avaient en effet certaines personnes qui étaient légitimistes au sein de l'action française. Oui. Qui défendaient en fait l'accession au trône de Louis XX. Je pense qu'en fait aujourd'hui la bataille en fait autour de qui était le prétendant a eu une importance historique au sein de l'action française historique. Oui. Enfin, c'est un peu redondant ce que je dis, mais dans l'action française moderne, celle du CRAF notamment, Centre royaliste d'action française. Voilà, du Centre royaliste d'action française. La question de est-ce que on mettra Louis XX ou est-ce qu'on mettra comment il s'appelle celui? Jean IV. Oui, c'est le d'Orléans là. Jean d'Orléans, comte de Paris. Donc la bataille entre ces deux rois. Cette question est assez mineure dans leurs préoccupations. Bah assez mineure. Alors c'est pas forcément étonnant de voir des légitimistes chez l'Action France ou quoi que si en fait. C'est assez inédit. Bien sûr, c'est étonnant. Il y a un compromis autour de la monarchie, voilà. Il y a un compromis. Oui, non, mais il y a un compromis, effectivement. Bon, après, on dira qu'il y a ce sujet de discorde. Il a pris le pouvoir arbitrairement. Oui, d'accord. Mais donc, ce que vous dites, c'est que ce sujet n'a plus tant, franchement, d'importance que je vais rapporter les propos. Ce sujet n'a de l'importance que pour les gens qui s'organisent en tant que légitimistes. D'accord. Oui, mais représente peu de personnes, principalement des intellectuels d'un certain âge. Ouais. Des groupes de juristes principalement. Mais ils ont un site internet qui s'appelle l'Union des cercles légitimistes de France. Hein. Je l'ai regardé il y a deux semaines par là. C'est là en fait que j'ai vu qu'ils ont tenu cet été donc l'université d'été Saint-Louis, hein, comme je le disais juste avant, qui s'est tenue du 20 au 24 juillet à Romagne, près de Poitiers. Leur programme hein, globalement c'était quoi? Des études de texte sur la légitimité, la monarchie absolue de droit divin, la défense de la famille et du coup l'anti-orléanisme, avec à la clé une dénonciation de l'action française et du dit prince Jean d'Orléans, et aussi l'autorité du Christ roi, tout ça. Mais oui, l'UCLF, hein, Union des cercles légitimistes, c'est effectivement un regroupement dirigé par Louis XX, duc d'Anjou, qui du coup se proclame héritier de Charles X, qui, comme je le disais, est bien le dernier roi de la maison Bourbon que la France est connue. Mais oui, en fait, l'UCLF, point de vue action, j'ai quand même regardé. Alors, ça vole pas non plus très très haut. Hein. Il y a quoi? Il y a des pèlerinages, il y a des prières, mais il y a quand même quelques réunions qui peuvent nous faire penser qu'éventuellement il pourrait avoir un certain regain d'activité. Non, toi, tu penses que non, Mao? Je pense que, enfin, nous envisageons l'antifascisme principalement comme un moyen d'essayer de défendre physiquement les éventuels. Organisations de gauche face à des dangers qui pourraient les impacter. Les légitimistes ne sont sans un danger pour personne, pour le moment, ouais. Ni pour la République, ni pour les gens de gauche, ni même pour l'action française. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était en ce moment un danger pour qui que ce soit, mais bon, après, tu sais, nous on fait de la surveillance et tout ça, donc on garde une certaine vigilance un peu. Nous on est des caméras circulaires, tu vois, mais ok. Bon, mais donc pour toi, pas de danger particulier venant de l'UCLF. J'aimerais qu'on continue un petit peu, qu'on rentre justement un peu plus dans votre brochure, du coup. Parce que là, il est quoi? Il est 18h, on a encore 20-25 minutes devant nous. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on entre, qu'on creuse un petit peu, parce que vous avez quand même fait un beau boulot préalable. En quelque sorte, vous avez préparé avec moi cette émission, en fait, à travers votre brochure notamment. Même si votre brochure, vous ne l'avez pas réalisée spécialement pour cette émission. Non, voilà. Ça nous a quand même fourni le prétexte et la détermination pour le faire. Hein. C'est vrai? Ah, oui. Si, si. Si, si. Ouais. Okay. Merci. Qu'est-ce qui vous semble, là pour le coup, je vous passe un peu la parole. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille creuser vis-à-vis de l'action française, là durant les 20-25 minutes qui viennent? Qu'est-ce qui, dans votre brochure, peut pour vous être important à bien préciser pour éviter que l'action française ne prenne une place trop importante? Alors, déjà, je pense qu'il faudrait faire peut-être trois points théoriques. Oui. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, donc pays réel, pays légal, c'est ça, ouais. Donc juste expliquer très rapidement comment est-ce qu'on définit ces deux termes, parce que c'est des mots qui reviennent souvent dans le discours des royalistes, et ça peut être intéressant parce que parfois quelqu'un de bonne volonté se retrouve un peu malgré lui ou malgré elle à débattre avec un royaliste sur un piquet de grève ou sur un blocage de fac. Il va pas être déçu. Non, mais c'est vrai que ça peut être un argument. Bah, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu me dis que je suis fasciste. Tu sais même pas ce que c'est le pays réel. Moi, je peux te dire, oui, Hitler était de gauche, tout ça. Voilà, on connaît ça. Bon, du coup, donc, juste voilà, rapidement. C'est des termes qui proviennent d'une enquête. C'est un bouquin, Enquête sur la monarchie, publié en 1900 par Maurras. Précision, c'est important. Non, mais Isère, je tiens à préciser que, parce que ces bouquins-là, un, ils sont rares et du coup, très difficilement trouvables. Allez sur le site archive.org, vous le trouvez en intégralité. Enquête sur la monarchie, qui en fait est un recueil d'articles qui ont été diffusés pendant genre un an, de 1900 à 1901, dans la Gazette de France. Hein, oui. Donc avec Maurras à la baguette, mais pas uniquement. Il n'y a pas que Maurras qui a rédigé cet ensemble d'articles, d'écrits, qui se nomme du coup Enquête sur la monarchie. Continue, Misère. Donc voilà, dans laquelle il développe la doctrine du nationalisme intégral, ça va être le deuxième point. Oui. Donc il oppose le pays légal, incarné par la République et ses institutions, donc jugé illégitime et décadente, oui. Opposé à un pays réel ou pays vrai, parfois, mais c'est un pays réel qui est l'expression qui s'est affirmée. Enraciné dans les provinces et que Maurras décrit comme, je cite, le pays qui travaille et qui ne politique pas, et à qui la monarchie décentralisée doit permettre de s'imposer face au pays réel. Le nationalisme intégral, je vais lire un passage de ce qu'on a écrit, mais je te laisserai. Mao, si jamais tu veux rajouter ou quoi. Ça traduit la volonté de restaurer un pouvoir fort, chargé de régénérer la nation, les fondements de son État, de son armée, de sa magistrature et de l'Église. Mm-hmm. Donc c'est les. Régalien plus spirituel. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. La réalisation de ce projet nationaliste réside nécessairement par le retour de la monarchie. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va arriver sur le troisième point qui est l'antisémitisme d'État. Réinstaurer la monarchie, ça veut dire exclure ce que Maurras appelle les quatre États confédérés que tu as évoqués en début d'émission. Donc l'État confédéré juif, protestant, franc-maçon et métèque, c'est oui. Les termes de Maurras. Alors c'est une expression qui vient d'Henri Vaugeois, mm-hmm. Voilà. Cofondateur de la revue d'Action française, mm-hmm. Qui devient en 1908 l'organe de presse officiel du mouvement Action française. Oui. Maurras définit ces quatre États confédérés comme des États dans l'État qui défendent des intérêts contraires à ceux de la nation. Ça l'emmène donc à théoriser, après j'arrête d'être barbant, l'antisémitisme d'État, qu'il définit comme un antisémitisme politique plutôt que biologique ou religieux, à l'antisémitisme allemand. Ça donne quoi? Ça donne la formule de Maurras abat les juifs, déjà, alors qui justifie en disant, parce que pareil, ça peut être, si vous interrogez un royaliste sur l'antisémitisme de l'Action française, on reviendra pas, ce sera dans la brochure de toute façon, sur l'influence de l'Action française et de toute la question du péténisme maurrassien, ça en reviendra, mais c'est l'idée que leur antisémitisme vise à faire descendre les juifs de la position trop haute dans la société française où ils sont arrivés. En leur interdisant la nationalité française et en affirmant qu'ils en ont déjà une, indélébile, qu'ils garderont toujours. Et faut savoir que le dernier écrit de Maurras, qui est publié en 1953 après sa mort, À titre posthume, donc bon, je l'ai plus là-dedans, mais c'est une lettre qui encore une fois en 53 revient sur le fait que l'État d'Israël ayant été créé, il faut déchoir de leur nationalité tous les Juifs, voilà. Donc jusqu'au bout, quoi qu'en disent quand même certains qui veulent récupérer, enfin voilà, qui essaient de laver la mémoire du point de vue des royalistes de Maurras, que non, mais quand même, après avec la guerre, il a changé, je sais pas quoi, non. Mmh. Maurras, en 33, quand il y a les premiers réfugiés qui arrivent d'Allemagne, il dit non, mais on va pas non plus aider des juifs et des communistes, bien c'est sûr. Une invasion éthèque. Donc voilà, c'est bien beau de se cacher derrière, oui, dans tel numéro du journal de l'Action française, en telle année, il a dit ça, oui, non. Donc ça, ce serait peut-être sur le point théorique. Oui. Je sais pas si toi, tu as des... Non, j'allais rentrer plus dans quel est le rôle de l'Action française après 45. En fait, principalement depuis Pierre Boutang en avait pris les rênes dans les années 60 et jusqu'à aujourd'hui, le CRAF qui en est plus ou moins l'héritier. L'Action française a principalement un rôle d'école. Un rôle d'école pour les jeunes bourgeois de droite qui souhaitent apprendre à militer, apprendre à penser. C'est l'Action française en fait prend ces jeunes de la bourgeoisie de l'aristocratie française, leur donne un bagage idéologique certes critiquable mais sur bien des points mais qui est assez solide par rapport à ce qu'ils auraient pu trouver dans la droite libérale. On leur apprend des méthodes militantes véritablement, on leur apprend à réfléchir, à parler, on leur apprend à se battre un peu, on leur apprend à aller tracter, écrire un tract. Ça a l'air con comme ça, mais véritablement, en fait, l'Action française est la meilleure école du militantisme de la droite. Mm-hmm. Et c'est à ça qu'elle sert. C'est son rôle historique. L'Action française aujourd'hui, on peut retrouver des anciens camelots du roi un peu partout. Mm-hmm. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'Action française a servi à ça. Si quelqu'un. Oui. Juste un dernier point, comme ça, je laisse Lise conclure. Mm-hmm. Juste en termes d'activité, histoire qu'on ait à peu près le calendrier. Oui. Donc je parle des mobilisations commémoratives et je te laisse les mobilisations sociétales comme ça. Mmh. L'Action française participe à la fête nationale de Jeanne d'Arc du patriotisme qui a lieu le deuxième dimanche de mai, mmh. qui est une date donc majeure dans le calendrier royaliste, mais plus largement dans celui de l'extrême droite. Donc il participe à la commémoration depuis l'instauration de. Donc c'était en 1920. Donc je crois que la première manif c'était en 1921 parce que ça a été instauré en tant que fête nationale après la date. Donc c'est voilà, en général ce sont les étudiants de l'Action française qui organisent la commémoration royaliste. Oui. Donc voilà, formation de la jeunesse, ça passe aussi par là. On applique ce qu'on apprend au camp d'été, enfin à l'université d'été, oui. Qui d'ailleurs est ouverte aux sympathisants et aux personnes extérieures le samedi. Il y a le camp. Et l'université d'été à proprement dit, c'est le samedi. Donc voilà. Samedi, il semble même que cette année, il y a eu un jeudi spécial famille. Jeudi spécial famille. Oui. C'est quoi? C'est les papas les et la maman qui ont des enfants, véritablement. Enfin, attendez, ça veut dire ils peuvent faire venir leurs enfants, mais c'est quoi? Les parents peuvent venir non, aussi. On vient en famille avec enfants et famille. Enfin, c'est aussi simple que ça. Les cathos tradis font des enfants, et il faut bien les occuper. Ouais. Bien sûr. Voilà. Alors, après comme ça, je laisse la parole. Lise. Il y a deux autres événements commémoratifs. Il y a les messes requiem pour Louis XVI. Oui. Donc en janvier, le 21 janvier 1793. Donc c'est autour de la même date. Il y en a à Bruxelles aussi. Ça dépasse. C'est un peu la France, voilà, bon à savoir. En général, c'était les camelots du roi, donc qui étaient les vendeurs de journaux et aussi le service d'ordre d'Action française, fondé par Maxime Ranel-Sartre. Donc elles sont organisées un peu partout en France, mais l'Action française participe surtout à celle de Paris, l'occasion de donner le journal à Jean d'Orléans. Mmh. Et aussi, pourquoi il lui donne? Il l'a pas déjà? Non, c'est l'occasion de le faire signer, je sais pas. Mais l'Action française participe aussi aux messes requiem pour Marie-Antoinette, voilà, en octobre. Je comprends rien. Il lui donne le journal. Ouais, il lui donne le journal. Parce que Jean d'Orléans n'est pas royaliste. Ah d'accord, c'est pas mal ça. Donc en fait, il va le faire revenir quelqu'un qui ne veut pas revenir. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très certainement la raison principale pour laquelle l'Action française ne parle pas de qui est son prétendant, parce que les d'Orléans ne sont pas. Ils ont surtout rompu. Ne sont pas maurassiens. Oui. Oh là là là. Jean, le père, c'était Henri VI qui rompt en 1937 avec l'Action française, dénonce le sectarisme de l'Action française. 1980, son fils, je me demande si c'est Henri VII ou si c'est l'actuel prétendant Jean VI qui entre en franc-maçonnerie. Jean VI ou Jean IV? Non, c'est Jean IV. Non, mais donc Henri VI dénonce l'action française en 37. Ouais. En 1980, je sais pas si c'est Henri VII ou Jean IV qui entre dans, je pense que c'est la Grande Loge d'Orient, bon, par recherche spirituelle, donc ce qui plaît pas forcément. Donc encore une fois, les orléanistes soutiennent pas l'action française, donc non, je pense qu'il a pas le journal. Même si ça arrive qu'il autorise certains journalistes royalistes à publier dans la presse, mais bon, c'est des trucs, tu sais. Tu m'expliques comment cette organisation elle reste en vie, ça veut plus rien dire. Un patrimoine littéraire, intellectuel, des structures avec de l'argent et des locaux. Et voilà. Pas mal de structures lycéennes, étudiantes, qui existent depuis 100 ans et qui réussissent à se maintenir. Non, mais le royalisme comme projet politique s'incarne dans la monarchie, mais s'incarne pas dans la personne du roi, dans leur tête. Oui, mais dans ce cas-là, si le soi-disant prétendant ne veut même pas remettre les pieds sur le trône français, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ah, s'il veut, mais c'est juste qu'il soutient pas l'action française, c'est tout. Bon. Ah, d'accord. Oh là, ça, c'est pas mal. Mais donc, ça veut dire que. C'est un capharnaüm, leur histoire. Il n'y a rien d'autre à dire. Le mois prochain, on fera un bowling et on fera pas d'émission. C'est pas possible. Peut-être qu'il dirait la même chose sur nous, va savoir, tu vois. Hein? Peut-être que non plus, il ne s'y retrouve pas dans nos cœurs à l'interne, hein, va savoir. Non, mais ça, on en parlera évidemment pas aujourd'hui. Mais je veux dire, attends, il y a une organisation qui veut faire revenir un tel sur le trône royal français. Un tel veut, mais en ne soutenant pas l'organisation en question. Parce qu'il n'est pas d'extrême droite. Oui, merci, mais à part ça. C'est la principale raison pour laquelle il ne veut pas avoir spécialement affaire avec l'Action française, parce qu'il n'est pas d'extrême droite. Ouais, mais l'Action française ne se revendique pas forcément d'extrême droite non plus, Mao. Les deux faits. Allez. Oui, peut-être, mais après, tu connais le discours. Bon, continuons un peu, parce qu'il est 18h11, donc il nous reste 15 minutes à peu près. Qui prend leur lait. Oui. Oui, du coup, par rapport aux mobilisations, donc déjà, alors, ils font les commémorations, comme a dit. Misère, mais depuis entre guillemets la nouvelle politique de rue qui existe depuis à peu près 20-10 ans avec les grands mouvements sociaux, l'Action française a surtout recommencé à taper du poing, comme d'ailleurs beaucoup d'organisations de l'extrême droite comme Civitas ou même le GUD, au sein des manifestations de la Manif pour tous en 2012-2013 contre le mariage pour tous. Où l'Action française, comme donc les autres groupes que j'ai pu citer, ont vu une occasion de faire leur révolution. On a vu, même si aujourd'hui on s'en souvient pas vraiment, mais les cortèges de la Manif pour tous en 2013 finissaient régulièrement, si ce n'est quasiment à chaque fois à partir d'un certain moment, en émeute oui, bien sûr. D'extrême droite. Et dans ces émeutes d'extrême droite, on retrouvait autant des catholiques intégristes que des membres du GUD de l'époque, des skinheads nationalistes néo-nazis. Mmh. Oui, il y avait Axel Lousteau, là, le trésorier du Rassemblement National, qu'on avait retrouvé. Là, on a les images, quoi, je veux dire. De lui qui tape un bouclier de CRS. Ouais, non, mais il a un casque sur la tête, puis il gueule. Mais bref, oui, non, mais c'est, du coup, il y a ça, et aussi, donc on retrouvait. Et en fait, dans ces manifestations, on pourrait retrouver des gens qui étaient. Juste là pour la bagarre, comme par exemple à l'époque des hooligans du Cop of Boulogne à Paris, mais aussi donc l'Action française. Et l'Action française, pendant la Manif pour tous, les Manifs pour tous de 2013, était très impliquée pour une révolution royaliste, parce que pour eux, ils voyaient, comme nous par exemple à gauche, lorsqu'on voit des mobilisations contre une réforme, des masses se mobiliser, eux ont vu leur masse, les masses de leur camp social, donc les masses bourgeoises traditionnalistes, se mobiliser, et donc ils ont essayé de s'intégrer là-dedans pour faire leur révolution, et évidemment ils n'ont pas réussi. Ensuite, mais ils ont l'Action française a malgré tout un climat, un tempérament à vouloir essayer de s'intégrer dans certains mouvements sociaux qui n'a pas vraiment de logique, car ils essaient de faire de l'entrisme mais minable qui se voit tout de suite. Comme un exemple assez étonnant, lors de la loi travail en 2016, je m'en souviens, on a retrouvé des royalistes et des militants Action française dans les cortèges et même au sein du bloc. C'est assez étonnant. Alors que bon, je pense que les slogans ainsi que la population du bloc ne devaient pas leur plaire forcément. Pendant les gilets jaunes, Ils ont été très impliqués au mois de décembre. Oui. Donc où à la toute première manif le 17 novembre, lorsque les gilets jaunes n'ont pas réellement fait d'émeute, car le 17 novembre le plus fort de la manifestation a été un vague sprint vers l'Elysée qui s'est fini par un gazage massif. Mmh. On a retrouvé des militants Action Française et aussi des OAF Paris. Oui. Par exemple Louis Seffran, qui était à l'époque à l'Action Française encore, qui était présent lors de cette manifestation au nom de l'Action Française. Le 24 novembre, lors de la première émeute sur les Champs-Élysées que les Gilets jaunes ont faite, on a retrouvé des militants Action Française qui étaient là pour soi-disant arrêter les casseurs d'un mouvement populaire de masse. D'accord. Du pays réel. Oui, ils ont pas, d'ailleurs, et encore pour en revenir pardon, juste la veille du 17 novembre des Gilets jaunes, l'Action Française a publié un tract et un communiqué de soutien au pays réel qui se mobilisait donc contre l'État, la bourgeoisie, le libéralisme. Et le mondialisme aussi, général, ça tombe ça aussi. Et je crois qu'ils avaient utilisé le terme juiverie aussi. Ouais, bah tiens. Ça doit être tant qu'on y est. Et parce que quand on est royaliste, ramener la révolte des ronds-points à la misère économique et à la détresse sociale, ça fait un peu trop marxiste. Ouais. Alors, on parle de révolte du pays réel contre le pays illégal et révolte contre les lobbies minoritaires, contre les féministes, les organisations LGBT, les mosquées, l'immigration, le pillage des églises, etc. etc. etc. C'est, l'Action Française, veut s'introduire dans des mouvements où en fait elle n'est même pas en accord avec la face sociologique de leurs participants. Typiquement, juste, je te coupe rapidement, si on cherche un peu sur le site de l'Action Française, les papiers sur les gilets jaunes, ils décrivent le mouvement, c'est excellent, donc un mouvement social qui réclame une fiscalité plus juste mais moins pesante, souverainiste, un État moins mais mieux présent, et identitaire, porté par des Français de souche. Bah tiens. Et bon, tu regardes les 42 revendications donc établies par les internautes qui se revendiquaient gilets jaunes fin novembre 2018, donc à l'époque où la droite radicale et l'extrême droite étaient vachement actives sur Internet et dans les cortèges. C'est pas ça, quoi. Bah non. C'est pas non, ça. Parce que là, c'est des revendications de commerçants. Et puis le pays réel, c'est... Alors, tel gilet jaune et travailleur manuel... il est syndiqué à la CGT, c'est pas le pays réel, c'est pas le pays réel. Tu vois, il y a quand même un côté, les gilets jaunes, c'est le pays réel, mais il y a toutes des franges du mouvement qui sont des saboteurs, des gauchistes. C'est quand même très, à aucun moment, pourtant je me suis fait chier, excuse-moi du terme, je me suis farci les articles, à aucun moment ils se sont donné le luxe d'expliquer, ne serait-ce que comment méthodologiquement ils faisaient à identifier ce qui était, ce qui n'était pas du pays réel. Tu vois. Donc c'est quand même. Déjà identifier ce qui est du pays réel, faut déjà. je sais même pas comment est-ce qu'ils comptent entreprendre un travail pareil. J'ai même pas envie de le savoir grossièrement. Mais parce que vous parliez de la loi travail tout à l'heure, autant les gilets jaunes, ça m'a saoulé d'en parler. J'ai plus envie d'en parler grossièrement pour le moment, en tout cas. Par contre, la loi travail, il y avait quand même un public syndiqué. Vous voyez un peu? Oui. Il y avait des syndicats, il y avait les groupes autonomes, machin, tout ça. Mais l'Action Française, quand ils viennent dans des cortèges, etc., en général, ils viennent avec des banderoles, qui veulent rien dire. Enfin, il y a quelques années, ils venaient avec des banderoles avec marqué indignez-vous. Maintenant, ils viennent sans doute avec des banderoles qui réclament ceci et qui réclament cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont visibles. Ils s'affichent. À part s'afficher et parler du pays réel tous les matins, expliquez-moi un peu. Je me souviens d'une manifestation des gilets jaunes pour le coup, on va revenir aux gilets jaunes parce que on va revenir sur les autres mobilisations plus de gauche entre guillemets. Mais lors d'une manifestation des gilets jaunes le 8 décembre, donc celle qui a suivi l'acte 3 et donc qui était en prévision une des plus grandes manifestations je pense en France depuis des décennies au niveau de revendications et de violence, enfin de ce qui devait être prévu finalement Le dispositif policier de l'époque en a joué autrement. Mais lors de cette manifestation à Paris, plusieurs sections de l'Action française de plusieurs villes sont montées à Paris pour faire un cortège où ils étaient une quarantaine sûrement dans leur cortège. Bon, finalement, c'est là qu'on se rend compte aussi que la force de frappe de l'Action française est vraiment minuscule. Avec une banderole titrant « Abat les voleurs ». Oh, mais c'est pas vrai. Le slogan... Ça revient, ça. Oui, je m'en souviens de ça, bien sûr. De l'Action française. Oh là là. Avec qui date de 34, je crois. Ah, 30, alors, excuse-moi, rapide, 34, parce que le 6 février, le fameux 6 février 34, et le jour du 6 février 34, effectivement, ils te sortent leur journal de l'Action française, avec marqué en gros « Abat les voleurs, messieurs Daladier et Fro, etc. Pour qui prennent-ils les Français ?» et tout ça, mais effectivement... Oui, mais ça, effectivement, oui, je me souviens très bien de cette banderole-là. Et donc, voilà, ils avaient sorti cette banderole « Abat les voleurs » et ainsi qu'un drapeau pirate. Un drapeau Parce que la piraterie n'est jamais finie. le mélange. Savions pas qu'à l'Action française, c'était des grands fans de Booba. Mais allez. Comme quoi, les extrêmes se rejoignent. Le respect à Booba, quand même. Évidemment. Continuez, Lise. Plutôt que le roi. Et à cette manifestation, du coup, l'Action française s'est fait, je me souviens, dégager. Des militants antifascistes ont croisé la route de ces militants de l'Action française qui ont voulu s'interposer, qui ont tenté de s'interposer. Et ça fait bim bam boum. Et voilà, ça a fait vroom. Au sein de l'Action française qui ont essayé de répondre avec des armes telles que des cutters. Ils ont ça sur eux. Voilà, l'Action française. Sponsor Maped. Voilà, a couru. Et en fait, c'est à peu près à ce moment-là que l'Action française a un peu disparu. C'est à partir de cette baston, si on l'appelle comme ça, que l'Action française, qui mobilisait parfois jusqu'à 20 personnes à Paris, quand même, pour leur tractage ou leur collage d'affiches, a disparu à Paris, donc depuis. Plus de nouvelles sur les radars. Du coup, voilà. Et après, pour en revenir, c'est leur dernière grosse mobilisation dans des manifestations. Ensuite, pendant la réforme des retraites, par exemple, plusieurs fois, des militants d'Action française ont été croisés dans les cortèges, mais cette fois cachés. D'accord. C'est-à-dire qu'ils se cachaient. C'est si on les reconnaissait, alors il y a deux choses. Une première fois, on les a reconnus parce que un visage, ça ne se change pas. Oui. Et aussi une certaine manifestation. C'était une manif qui partait d'Opéra, qui finissait devant l'Assemblée. Il y en a eu une deuxième avec un stand avec des politiciens de gauche qui ont fait des discours. Celle-là, c'était la première qui a terminé en petit match de rugby avec la police. Et en fait, départ d'Opéra, on est à un certain nombre. On voit un stick Action française. Et en fait, les types étaient là. Ils ont sans doute envoyé une recrue, un type, un barbu, là. Une belle barbe. C'est un rouquin, non ? Ouais. Bah voilà, j'ai pas le nom. Bon, du coup, on allait voir gentiment. On lui a demandé d'ouvrir son sac. Il a été très courtois, coopératif. Il nous a donné les stickers. Ils sont toujours à la maison. Voilà. Si tu veux les récupérer, passe à Toldo. Donne la sacoche. Voilà. Et il est parti se réfugier avec ses trois, quatre camarades. Donc on s'est dit, bon, si on allait quand même ne serait-ce que leur demander pourquoi aujourd'hui, pourquoi ici. Ils ont vu faire 5 mètres. Ils sont allés se cacher derrière les policiers, quoi. Très bien. C'est ce qu'il faut faire. Oui, non, parce qu'alors là, il est 23. Misère, rapide, il est 23. Je sais pas si l'équipe suivante est là. Vous avez vu passer quelqu'un, vous, dans les locaux ? Il y a personne, donc on peut éventuellement étirer jusqu'à 30. On faut rendre l'antenne à l'heure, on va pas non plus. Pas non plus parler pendant 1000 ans, mais liste des sections après, si tu veux, pour la toute fin, si tu veux qu'on termine non, le moment où les gens s'en vont, lister les villes. Ce qui m'intéresse quand même aussi, parce que bon, on parle d'action, vite fait, de bagarre, tout ça. À une époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais il se filmait un peu en pleine action, l'Action française lycéenne, ça vous dit quelque chose ? Oui. Bon. C'était moi j'ai passé quelques temps à rigoler parce que il vaut mieux en rire. En fait, il se filmait en train de faire des stages de free fight ou des trucs comme ça. Enfin ça avait ni queue ni tête ni début ni fin, c'était pas de la bagarre à proprement. T'as dit quoi? Marc de Cacré en vient. Oui, mais c'est pas. Oui, non, mais. Voilà, là... c'est ce groupe-là, en fait. C'est l'époque de Marc, Aloïs, tout ça. Non, mais ces gens-là, ils étaient dans l'Action Française lycéenne? Oui, Marc vient de l'Action Française lycéenne. Non, mais. Et il faisait les stages de Free Fight Bénil, là? C'est pas plus retenu de son passage à l'Action Française. Hein. Non, certainement, mais... je pense. Hein. Honnêtement, ces pseudo-stages de Free Fight, je les ai regardés. J'ai vu les vidéos. C'est pas du Free Fight, ça. Non, n'importe quel combattant ou combattante un peu aguerri, et même pas d'ailleurs, n'importe qui rit aux éclats devant ça, parce qu'il n'y a pas de commencement, en fait. Il n'y a pas de n'importe quel, il n'y a aucune notion de combat réel. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de précision, c'est du chahut, c'est presque des chatouilles. Ah oui, non, mais c'est ridicule. L'Action Française est à la bagarre ce que les zouaves sont à la politique, au final. Oui, du vide. Ce sont des activités pour créer de la camaraderie. C'est ça. Oui, mais... De toute façon, les interventions, ne serait-ce que quand ils sont venus au lycée Montaigne le 5 décembre 2019... Débloqués. C'était pas du free fight, c'était casque, barre de fer, matraque gazeuse. Bon, voilà, donc c'est... Oui, c'est bien de faire du, ils font du free fight, mais après, faut aussi que les gens qui, il y a aussi un risque, c'est, on peut tomber sur une vidéo comme ça et se dire, bon, bah, finalement, s'ils se battent comme ça, bon, ça va, quoi. Mais il faut quand même, voilà, préciser que, en fait, derrière ce côté, on fait des petits trucs de free fight entre potes, ils interviennent avec des casques et des matraques. C'est vrai que le risque, en fait, c'est de tomber sur ces images et, le jour où ils arrivent en vrai, ils ont des parapluies, des barres de fer, des gazeuses et des masques. Sûr. Et des gants coquets. Et là, c'est pas pareil. Là, on rigole plus, en effet. Ouais, oui, ça. Effectivement. Et ils sont à 20. Donc là, si tu sais pas te battre, mais que t'as 19 potes, tu sais te battre. C'est comme ça. Mais on est bien d'accord. Mais à une époque, et j'ai pas forcément envie, de toute façon, je suis pas là pour ça, hein, mais j'ai pas spécialement envie, sans vouloir spécialement étaler mon CV, à une époque, je venais. Vite fait sur la batte, hein, ça m'est arrivé, mais il y a 2 ans et demi, 3 ans, quoi. À cette époque-là, il y avait une arrivée le vendredi soir, pas tous les vendredis, environ un vendredi avant les vacances. Alors, les vacances, ouais. Oui, mais des fois c'était même un vendredi sur deux, parce que ils venaient un vendredi, ils venaient à Tolbiac, et un autre, soit ils avaient formation dans leur clapier là, dans le premier arrondissement, ou alors ils allaient sur Cluny. Mais à une époque, je me souviens bien que ils venaient, et quand j'allais parler à camarade A, B, C de la batte, on attend l'Action Française, peut-être qu'ils arrivent, s'ils arrivent on est prêt. Donc ça veut dire quelque chose, ils avaient une activité effectivement physique, bagarreuse, un peu développée, quoi. Et ça, pour vous, pareil, on en a parlé tout à l'heure, vous pensez que ça va pas se relancer de sitôt? Non, parce que en 2017, l'extrême droite parisienne, l'extrême droite de rue parisienne, était beaucoup autour de l'Action Française, en fait. Car les zouaves n'existaient pas. Il y avait le GUD. Le GUD, oui, et en fait au GUD, pas mal, c'est le GUD de 2017, c'était... 7 personnes. Ouais. C'était 7, et ce qui a créé les Zouaves Paris, c'est le GUD et l'Action Française de 2017 qui finalement ne valait. Enfin, quand l'Action Française a viré ces militants-là, ils ont créé les Zouaves avec le GUD. Mais parce qu'en les militants qui composent les Zouaves aujourd'hui sont les militants qui composaient l'Action Française en 2017. L'Action Française de 2017 n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Celle de 2017-2016 était puissante, entre guillemets, dans la rue. Ouais. Et d'ailleurs, elle était limite plus dangereuse que les Zouaves aujourd'hui, parce que ils étaient violents dans la rue, mais ils avaient aussi un message politique. Et oui. C'est-à-dire que... Une communication, justement, très policée, assez fine. Politiquement, l'Action Française est bien plus dangereux que pas mal de groupes. Après, certainement que GI l'est encore plus, parce que GI ratisse encore plus large. Je serais pas si sûr. Là, on va rendre l'antenne dans 2 minutes, mais je suis pas si sûr que GI soit forcément plus dangereux que... Puisque bon, effectivement, ils font quelques actions coup de poing par-ci par-là, mais ça, on viendra peut-être sur ça peut-être le mois prochain ou le mois d'après, on verra bien. Mais oui, donc toi, tu effectivement, pour conclure, tu disais que l'Action Française, du coup, c'est quoi, l'Action Française s'est renouvelée, en fait, en quelque sorte. C'est ça. En 2013, avec la manif pour tous. En 2014, ils sont fait virer par Madame Bourges, j'ai oublié son prénom. Béatrice Bourges du Printemps Français. C'est elle qui s'est faite virer, donc en réaction justement, en signe de dénonciation des éléments violents de la manif pour tous, elle s'est faite virer. Elle a fondé le Printemps Français, je crois. Le Printemps Français, oui. Voilà, qui a servi de succursale pour recruter. À l'époque, c'était Antoine Berthe. Edouard Berthe, oublié. Edouard Berthe, c'est un acteur. Ah, Antoine c'est Berthe. C'est vrai, excuse-nous si tu nous entends, on t'adore. Mais ouais, non. Mais non, mais voilà, Berthe qui a vachement profité pour recruter. D'ailleurs, en 2016, je crois qu'il a été propulsé porte-parole de l'AF. Ouais, maintenant c'est François Belker, mais enfin bon. Pendant pas mal de temps, il a réussi. Mais 2013-2018, je crois qu'il y a eu, ils ont augmenté leurs effectifs de 50 ou 60%. C'est 2013-2015, pardon. Pendant les mobilisations, la manif pour tous, ils ont vraiment, vraiment recruté les jeunes. Mais c'était le dernier regain, quoi. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec la cocarde, mais. Oui, voilà, parce que ça peut être plus inquiétant, notamment sur les universités, quoi. Il faudra voir la rentrée avec les prochaines élections universitaires dans les facs. Mm-hmm. Ok, alors 18h30, pour nous l'émission s'arrête ici, en théorie vous avez rendez-vous là tout de suite avec l'émission Femmes Libres, mais je n'ai vu passer personne dans le studio, du coup je suis pas sûr que vous ayez rendez-vous avec qui que ce soit là tout de suite. Quoi qu'il arrive, nous on vous donne rendez-vous dans un mois, alors c'est quoi, ce sera mercredi 23 septembre, parce que nous on est là le quatrième mercredi de chaque mois, actualités antifascistes, donc on vous donne rendez-vous le mercredi 23 septembre. Alors, qu'est-ce qu'on évoquera ce jour-là? Je sais pas encore, on ne sait pas encore trop. Moi, j'ai vu passer quelques événements sur le net, par-ci de Dupont-Aignan, par-là du PCD, Parti Chrétien Démocrate, par-là du Rassemblement National et encore par là-bas de Florian Philippot et des Patriotes. Bon, quoi qu'il arrive, on verra ça dans un mois. D'ici là, bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire, le 89.4 FM en Ile-de-France. En théorie, vous pouvez aussi écouter en direct en ligne, mais ça marche plus pour le moment. On réglera tout ça. Et puis dans un mois, merci Lise, merci Mao, merci Misère d'être venu. Et puis à une prochaine merci fois. Beaucoup, Radio Libertaire. Ok, ça marche. Salut. Salut.